si cherché un paradis pour nous plus aimer. Est-ce l'amour puissant troublé chimé nous? Chalet passion qui brille chez nous. Pour entier nous s'est volé, nous fait la vie en plein miel. Oublier tout ça qui t'est vrai. Pour entier caresse folie qui pas trouvé paradis. Nous paix dans le ciel sans nous et soleil. J'allais l'amour.